My lover. Thank you very much. Yeah. job. Pourquoi pas? Quand il serait question d'autres questions, pourquoi pas? Oublier d'autres questions.